Vous écoutez donc Futur Simple sur CKRL au 89.1 et dans cette première partie d'émission, on va aller visiter le Nord. Alors pour visiter un lieu, il est bien pratique d'avoir une carte pour savoir où on va. Et la carte que nous allons prendre est celle de Gérard Mercator. Elle date de 1595 et c'est le point de départ de ce livre, L'apparition du Nord selon Gérard Mercator, un livre paru aux éditions du Septentrion, écrit par trois auteurs, Joé Bouchard, Stefano Biondo et Louis-Edmond Hamelin. Louis-Edmond Hamelin étant le père de la nordicité, le fondateur également du Centre d'études nordiques. Alors, Monsieur Hamelin n'est pas avec nous, mais Stefano Biondo et Joé Bouchard sont ici. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors d'abord, félicitations pour ce prix Hubert Reeves. C'est presque inusité, un prix sur un document, un livre à caractère historique qui reçoit un prix de vulgarisation scientifique. Félicitations à tous les deux. Merci. Alors, on connaît donc Louis-Edmond Hamelin, qui est professeur à l'Université Laval, donc comme je disais, fondateur du Centre d'études nordiques il y a 53 ans et inventeur du fameux terme la nordicité. Mais j'aimerais qu'on fasse un peu plus votre connaissance. Vous êtes bibliothécaire, cartothécaire à la bibliothèque de l'Université de Laval, c'est ça? C'est exact. Donc en gros, vous faites quoi? Pour ma part, je suis cartothécaire, alors je m'occupe principalement de l'information cartographique, donc tous les documents cartographiques. Je gère l'acquisition, développement de collection, et puis la gestion de ces documents-là. Et puis, les bibliothécaires, les cartothécaires ont un rôle aussi à jouer auprès des usagers, des chercheurs. Mm-hmm. Donc, on répond aux questions des usagers pour repérer ce type de documents. Je m'occupe également de tout l'aspect numérique, le pendant numérique des cartes. Là, on parle de données géospatiales, donc d'imagerie satellitaire, de photographie aérienne, etc. Mm-hmm. Et il y en a beaucoup des cartes? La collection à la bibliothèque est assez riche, là, plus de 120 000 documents cartographiques et une belle collection aussi de cartes anciennes. Bon, alors c'est tout un fonds à gérer, ça prend effectivement un cartothécaire. Et donc pour votre part? Oui, donc moi je suis bibliothécaire, alors si Stefano s'occupe du volet cartographique, moi c'est le volet bibliographique dont je suis responsable, donc le développement des collections en géographie, en aménagement du territoire également, en architecture, la formation aux étudiants, on répond aux questions des professeurs, des chercheurs, des étudiants, et puis j'ai eu la chance là, d'acquérir la carte de Mercator avec Stefano en 2010, donc on travaille aussi sur des projets d'acquisition ensemble quelquefois, que ça soit des livres anciens ou des cartes géographiques anciennes. Donc voilà, donc on arrive au point de départ de ce livre, cette carte. Donc pourquoi être allé chercher cette carte en particulier? Et vous êtes allé la chercher où? Ça s'achète comment, ce genre de carte? En fait, c'est que on voulait donner un coup, Stefano et moi, pour le développement de la collection de documents anciens en nordicité. Et autant ce qui concerne les livres anciens que les cartes géographiques anciennes. Et pour lancer cette aventure-là, on voulait marquer le coup avec l'acquisition d'une carte vraiment importante pour les études nordiques. Et une des cartes les plus importantes, sinon la carte là, qui revient très souvent pour son importance, c'est la carte de Mercator, la Septentrionalium Terrarum Descriptio, qui veut dire la description des terres du Septentrion. On s'est dit que ça valait le coup d'essayer de trouver cette carte-là. C'était loin d'être évident de la trouver. Ça nous a pris... Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, même que ça nous a pris plusieurs semaines pour mettre la main sur un exemplaire, parce que nous, ce qu'on voulait trouver, c'est un exemplaire original de l'édition originale. Il faut qu'il soit à vendre. Absolument. Absolument. Alors, on a envoyé des avis de recherche à des marchands de cartes sur le globe, vraiment partout en Europe, en Australie, en Amérique du Nord. On a attendu, Stefano, plusieurs semaines avant d'avoir une réponse. On a envoyé, je pense, au départ, on avait fait l'envoi auprès de 10 marchands de cartes réputés, puis c'était toutes des réponses négatives. Et par la suite, vraiment, on a envoyé de façon massive à plus de 180 marchands à travers le monde. Et ça a pris plusieurs semaines avant de recevoir une réponse positive. Les réponses qu'on recevait, c'était souvent pour la carte de Mercator, mais pas la pas le premier étau, pas la première édition. Ouais, ouais. C'était commun à l'époque là, de les cartes étaient faites sur plaque de bois ou sur plaque de cuivre, étaient gravées et puis on faisait une certaine quantité de cartes. Par la suite, on apportait des corrections, mm-hmm. on remodifiait la plaque, on créait un nouvel étau, une nouvelle édition. Mm-hmm. Donc nous, fallait vraiment mettre la main sur la première édition, celle de 1595. Et puis on a eu deux réponses positives presque simultanées, une provenant curieusement de Montréal. Ah, c'est curieux. Oui, c'est ça. Donc, c'était par l'intermédiaire d'un marchand qui connaissait un collectionneur privé qui possédait la carte. Et puis, on a eu une autre réponse positive provenant de Prague. Mm-hmm. Et puis, notre choix s'est arrêté sur celle de Prague. Donc, c'est le point de départ de ce livre. Donc, puis d'ailleurs, il faut mentionner qu'on en a un exemplaire à faire tirer. Donc, si des auditeurs ont envie de se procurer ce livre, on en a un exemplaire à faire tirer, on va dire, le premier appel. J'ai mentionné donc le numéro de téléphone. Donc, 640-1586. Donc, le premier qui appellera pourra se procurer ce livre, L'apparition du Nord, selon Gérard Mercator. Ça sonne déjà, donc ça va très vite. Il est magnifique. Oui, c'est un livre magnifique. Rien que la couverture qui est en elle-même, la carte, est vraiment magnifique. Donc, ensuite, de cette carte, comment est venue l'idée de faire un livre? Comment on fait un livre à partir d'une carte? En fait, c'est lié vraiment à l'acquisition comme telle. On n'avait pas encore l'habitude de faire des achats de cette envergure-là à la bibliothèque de l'Université Laval pour des cartes géographiques. Et on a eu l'idée, nous, de contacter quelqu'un qui était susceptible de bien connaître un document comme celui-là. Puis, on a pu contacter M. Hamelin, mm-hmm. Pour lui demander son avis, mais surtout pour lui demander un appui, puis de rédiger une lettre qui pourrait appuyer à cette acquisition-là. Et il a été vraiment très enthousiaste quand on lui a parlé de cette possibilité-là. Puis il nous a appris quelque chose de vraiment fantastique pour nous. C'était qu'il avait travaillé pendant plusieurs années à une analyse de cette carte-là. Ah, ouais. Une analyse qui n'était pas achevée, mais qui était quand même sous la forme d'un manuscrit. Et puis là, il nous a dit que ça représente peut-être l'occasion de publier cette étude-là. Mm-hmm. Au départ, nous, on pensait qu'on allait être peut-être des entremetteurs pour permettre cette publication-là. Mais quand on a commencé à travailler avec lui, on s'est rendu compte que ça valait la peine peut-être d'ajouter des choses, d'ajouter des images, des cartes, peut-être certains même des chapitres finalement qui sont venus avec nos séances de travail. Et donc, on est arrivé avec un projet dans lequel on était rendu des auteurs en compagnie de M. Hamelin. Mmh. Donc, on va en parler après de cette fameuse carte et de la description. Mais avant, il faut peut-être dire deux, trois mots de Gérard Mercator. Oui, oui. Alors, j'y vais, Stéphano. Gérard Mercator, c'est un géographe, un cartographe, un mathématicien, on peut dire aussi un théologien, même un philosophe. C'est un grand génie qui a vécu de 1512 à 1594. Il est né à Rupelmonde, qui appartenait à cette époque-là au Saint-Empire romain germanique. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est dans la région flamande de la Belgique. Mm-hmm. Alors, c'est quelqu'un qui a eu une très, très grande réputation parce que ses travaux ont été diffusés. Il a produit des cartes, il a produit des globes. Des globes aussi, il a ouais. produit des divers instruments astronomiques, des traités, et il a produit surtout un grand atlas mondial, mm-hmm. Qui a été livré en trois tomes, en 1585, 1590 et 1595, le dernier un an après sa mort, donc paraît à titre posthume. Et dans ce grand atlas-là, il y a la carte Septentrionalium Terrarum Description. Et à partir de quelles données il faisait ces cartes? Ces cartes, il faut comprendre que Mercator, à ses débuts, disons que c'était un géographe qui allait sur le terrain. Il a fait quand même quelques levées, mm-hmm. Même en compagnie, je pense, de ses fils. Et puis, ça se limitait surtout à l'Europe. Mais on peut dire pour une bonne partie de sa carrière, c'est plutôt un cartographe ou un géographe de cabinet. Donc, son travail, c'était surtout un travail de synthèse où il avait accès à des cartes, à des récits de voyage. Il était vraiment au fait là, de tous les déplacements qui s'effectuaient dans le Nord parce que, il cherchait à trouver un passage pour se rendre vers l'Asie. Mm-hmm. Donc, autrement que par le contour de l'Afrique ou par le détroit de Magellan. Donc, on cherchait une route par le nord. Donc, il était vraiment à l'affût des voyageurs là, qui tentaient le passage du nord-ouest ou le passage du nord-est. Donc, des navigateurs anglais comme Willoughby, Frobisher ou Davis. Qui faisait des observations de voyage et puis donc qui se rendait à son office, à son bureau. Oui, ben, il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de lettres qu'il échangeait avec ces navigateurs-là, mais aussi avec d'autres contemporains, des cartographes comme Ortelius et puis des savants anglais également. Il y avait une correspondance avec plusieurs savants, puis aussi c'était le protégé de Charles Quint. Ça lui permettait d'avoir accès à certaines sources d'informations très riches. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement quelles sont ces sources. Il y en a certaines qu'il va mentionner. Par exemple, pour ce qui est de la carte polaire, il y a certaines sources qui sont mentionnées, mais on sait qu'il en a utilisé beaucoup plus. Mais lui essaie de se tenir au courant des explorations qui sont faites pendant son temps. Et puis, il va essayer d'avoir le plus de sources possibles. Peut-être les marchands aussi, parce que bon, en Hollande, dans ce coin-là, il y avait beaucoup d'arrivées. C'était un port, une terre marchande, il y avait beaucoup de circulation. Absolument, absolument. Puis il sait vraiment qu'il y a un tel navigateur qui est dans telle zone et il lui demande, lorsque tu arrives, peux-tu me contacter? J'ai des questions pour toi. Et dès qu'il a ces réponses-là, il va essayer de les cartographier pour représenter le globe, parce que c'est son entreprise, c'est représenter le globe le plus fidèlement possible à partir des données qui sont disponibles. Donc, si vous permettez, c'est ça, on retrouve sur la carte des informations relatives à des récits de voyage qui sont assez récents, c'est-à-dire 1576, 1585, puis la carte est produite en 1595. Ouais. Donc, c'est quand même très rapide pour l'époque au niveau de l'échange de l'information. Tout à fait. Alors, on va y aller justement à cette description de carte, mais juste avant, on va annoncer donc le gagnant, la personne qui s'est précipitée le plus vite sur le téléphone pour acquérir le livre. Il s'agit d'André Jobidon. Alors, félicitations pour ce livre. Vous verrez, c'est une fameuse découverte. Alors, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? C'est assez surprenant. Il y a comme des choses bizarres au pôle Nord. Oui, tout à fait. Ben, déjà, la carte. Par elle-même, elle surprend parce qu'on est habitué d'avoir une carte là, de forme rectangulaire où on voit vraiment le nord qui est positionné en haut de la carte. Mais ici, à juste titre, Mercator a utilisé une projection qu'on dit polaire, donc où vraiment c'est une approche concentrique. Et la carte, elle est dessinée à partir du 60e degré de parallèle nord. Donc, comme on le disait au tout début, c'est vraiment une carte fondatrice pour les études nordiques, car c'est la première qui est dédiée au pôle Nord, comme ça. C'est-à-dire que le Nord occupe le centre de la carte. Tout à fait. Et là, les régions circumpolaires sont autour, là, en cercle. Tout à fait. Fait qu'on voit le Nord des trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et le centre correspond là, vraiment au pôle Nord. Puis c'est impressionnant, donc, parce qu'on voit que Mercator a réussi à obtenir des données du nord de la Sibérie, du Groenland, du territoire du Nord-Ouest. Donc, toutes les régions circumpolaires sont représentées sur cette carte, ce qui est quand même assez surprenant. Assez surprenant pour l'époque. Il faut imaginer, on part du 60e degré de parallèle, on a les trois continents, et après ça, on a une surface d'eau libre, qui entoure une espèce de disque, une surface, nous on l'appelle la surface en dur, une surface ronde, et qui, elle est traversée par quatre cours d'eau. Joey, je ne sais pas si tu voudrais peut-être parler un petit peu de cette surface en dur. Oui, c'est ce qui surprend souvent quand on regarde cette carte-là, parce que on sait aujourd'hui que ça pour une grande partie de cette représentation-là, ça ne correspond pas à la réalité. Oui, c'est comme s'il y avait un continent en plein sur le nord. Là. Absolument. Et quand je vous disais tantôt que Mercator essaie d'utiliser des sources, il va utiliser les sources qui sont disponibles. Et quand on arrive au pôle Nord, il n'y a pas encore de gens qui sont allés jusque-là. Mais Mercator a quand même une source qui l'utilise. Et cette source-là, elle reprend des mythes et des croyances qui remontent à l'Antiquité. Alors, c'est un récit là, de Jacques Noyen qui a été rédigé approximativement vers 1300. Et donc, qui reprend ce mythe-là, selon lequel, en plein cœur du Nord, au pôle Nord, il y a un rocher, un grand rocher noir, Rupes Nigra et Altissima, et que autour de ce rocher là il y a une surface circulaire en eau, et puis les courants sont extrêmement puissants parce que selon ce mythe là qui remonte, comme je l'ai dit, à il y a très très longtemps, les eaux du globe convergeaient vers le pôle nord, étaient amenées par ces quatre grands fleuves là ce qu'on appelle les bras évacuateurs, étaient amenées là vraiment de manière furieuse, et quand un navire s'aventurait dans ces quatre fleuves là c'était impossible de rebrousser chemin. Et on avait besoin d'un concept qui expliquerait qu'il n'y aurait pas de débordement, parce que si toute l'eau du globe était amenée dans cette région-là, il y avait un problème. Alors, on pensait que sous ce rocher-là, il y avait un immense trou, une grande, grande cavité, et que les eaux chutaient à l'intérieur et allaient s'évaporer au contact du feu central de la Terre. Particulier, hein? Oui, oui, c'est très particulier. Ça, c'est les éléments plus fantaisistes de cette représentation-là. Et on en parle dans le livre, mais ce qu'on avance aussi, c'est que dans cette représentation-là, il y a des éléments intéressants qui sont liés à des observations réelles du territoire. Et on sait que Jacques Noyen a rapporté, par exemple, des observations de l'archipel arctique du Groenland qui étaient jugées sur des observations probablement qui avaient été faites déjà au cours du Moyen Âge. Et nous, ce qu'on propose, c'est que la superficie de l'étendue de cette surface-là pourrait correspondre à l'étendue de la banquise polaire. Ah oui, oui. Donc ça, c'est l'élément un peu fantaisiste de la carte. Qui a discrédité en quelque sorte Mercator carte-là, mais nous, on est allé un petit peu plus loin, puis on a posé l'hypothèse que vient de mentionner Joé, c'est-à-dire que cette représentation-là pourrait correspondre à l'étendue de la banquise polaire. Mais après, quand on descend donc vers une latitude un peu en dessous, donc là, on arrive au nord de la Norvège, en tout cas, je regarde sur la carte là que j'ai la chance d'avoir sur les yeux. D'ailleurs, on peut mentionner qu'il y a un site sur l'Université de Laval, si les auditeurs veulent se brancher dessus, pour voir cette carte-là. En fait, on a réalisé une plateforme qui fait vraiment le lien avec l'ouvrage et vice-versa, sur laquelle là, l'usager peut aller zoomer sur la carte, se déplacer, et même qu'on a un des onglets où on a géoréférencé tous les noms de lieux qu'on retrouve sur la carte. De sorte que on tape un nom de lieu qu'on retrouve sur la carte et on se déplace automatiquement, un peu comme un Google Map de 1595 du Pôle Nord. Et on peut consulter le site web à l'adresse suivante, qui est mercator.bibl.ulaval.ca. Donc sûrement que si on fait Mercator, Ulaval dans le moteur de recherche, on va trouver également. Donc là, si on descend en dessous de cette terre un peu étrange au nord, on se retrouve sur des terres un peu plus connues. Puis là, il y a énormément de détails sur cette terre-là. On voit des rivières, on voit des noms de, je sais pas, vous allez me dire, c'est des noms de villages, c'est quoi, il y a vraiment énormément de détails. Et donc le livre, c'est toute la description de tous ces petits bras d'eau, ces golfs, ces mers intérieures. Oui, oui. En fait, on peut dire que la carte, c'est une représentation de l'état des connaissances du monde arctique et du monde nordique à cette époque-là. Alors quand on parle de la Scandinavie ou de l'Europe, il y avait quand même pas mal de cartographes qui avaient déjà travaillé sur ce territoire-là. Mercator pouvait déjà compter sur des sources assez fiables. C'est pour ça que quand on voit aujourd'hui cette représentation-là, on reconnaît pas mal toutes les régions. Même chose pour l'Europe. Quand on arrive en Asie, il y a des éléments qui sont véridiques, mais tranquillement, on voit quand même qu'il y a des différences avec la réalité qui est cartographiée aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'Amérique, eh bien là, c'est parmi les éléments les plus fascinants de cette carte-là, c'est qu'il y a des représentations de régions géographiques. Peut-être qu'au début, on ne discerne pas, mais quand on les examine un petit peu plus profondément, on se rend compte que c'est des régions qui sont représentées pour certaines de manière assez précise pour l'époque et qui auraient normalement été découvertes plus tard. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve comme lieu ou comme nom qui pourrait nous parler? Ben, par exemple, vers le 270e degré de longitude, on retrouve une espèce de forme ronde où on retrouve une masse d'eau, et ça pourrait correspondre ou préfigurer ce qui va être plus tard la baie du Tson, qui pourtant va être découverte beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, il y a une contribution de ce point de vue-là. Un peu plus à l'ouest, on a aussi ce qui est assez remarquable, c'est le bassin du Mackenzie. Vraiment une représentation. Donc là, on est loin, là. Oui, parce que Mackenzie, c'est 1789, je me trompe pas. Et puis là, on retrouve vraiment les trois cours d'eau, les trois branches principales du Mackenzie. Le sens d'écoulement est le même et on arrive même à un lac qui est représenté de manière partielle, le Grand Lac des Esclaves. Mm-hmm. Lago des Conibas. Là, on est à l'intérieur des terres, donc c'est plus seulement les navigateurs qui ont ces données-là. Là, on va un peu plus loin dans les hypothèses. Peut-être qu'il y a eu des échanges qui ont eu lieu à ce moment-là entre les navigateurs et les autochtones. Possiblement, ou qu'on a navigué à l'intérieur des eaux, mais. Mais on navigue pas, on remonte pas le Mackenzie avec les navires qui traversent l'Atlantique. C'est ça. On parle de petites embarcations. Puis plus loin, il y a même quelque chose qui pourrait être le Yukon, le fleuve Yukon. Oui, un petit peu plus loin, on voit un fleuve qui pourrait s'apparenter à celui du Yukon. Mercator, comme certains contemporains, va aussi séparer l'Asie de l'Amérique du Nord. C'était pas nécessairement accepté par tous à l'époque. Mm-hmm. Donc, certains considéraient l'Amérique comme une continuité ou un appendice du continent asiatique. Et d'ailleurs, on parle là de la séparation, donc le détroit de Bering, mais sur la carte, il porte un autre nom. El Stretto de Anian, détroit d'Anian. Ouais. Et puis, ce qui est curieux aussi sur cette carte, c'est qu'il est mentionné les Cadindenses, là, en tout cas en latin, j'imagine que c'est du latin, les Saguenayens ou Saguenayensium. Oui. Donc, il est déjà mentionné les noms des Amérindiens qui occupent le territoire. Tout à fait. Par contre, c'est-à-dire que Mercator mentionne dans ses sources qu'il aurait utilisé les informations provenant de quartiers, à la différence que lui va quand même les positionner beaucoup plus loin, que beaucoup plus au nord que sur le long du fleuve Saint-Laurent, ce qui laisse présager peut-être des relations là entre les Autochtones du Nord et de l'Utsonie et du fleuve Saint-Laurent. Mm-hmm, mm-hmm. Puis, quand on regarde la carte aussi, donc c'est comme je dis, c'est plein de noms. Donc là, le livre, finalement, c'est toute la description de tous ces noms, tous ces endroits-là. Et c'est des noms dans toutes les langues aussi. On voit des noms en latin, mais on voit des noms d'origine slave parce qu'on est en Sibérie, des noms norvégiens. Absolument. Il y a beaucoup de termes latins, mais il y a des langues diverses qui sont reprises par Mercator. Et puis, il y a même un chapitre dans l'ouvrage qui est consacré à la terminologie. Et c'est quelque chose qui tenait particulièrement à cœur à M. Hamelin, qui s'intéresse beaucoup à la linguistique. Mm-hmm. Alors, il s'était posé la question sur la permanence de certains termes. Est-ce que tel terme qu'on trouve sur la carte de Mercator en Amérique ou en Asie est encore utilisé aujourd'hui? Est-ce qu'il a été modifié? Est-ce qu'il est complètement disparu? Donc, c'est aussi une étude là, qu'on fait pour ce document-là. Ouais. Puis il y a tout un chapitre sur le climat, la météo. Est-ce que ça veut dire que d'après cette carte-là, on peut en tirer des informations sur l'évolution du climat? En fait, oui, c'est ce qu'on avance. Quand je vous disais qu'il y avait des informations concernant la surface circulaire qui étaient peut-être plus de l'ordre d'observation réelle et qu'on parle donc de la superficie du document, de la surface circulaire, c'est que Mercator, pour représenter le centre, cette surface-là, s'est fié à une source qui avait été écrite vers 1300. Et là, vers 1300, on est dans une époque de réchauffement climatique, la fin de l'optimum climatique médiéval. Mm-hmm. Alors, si on prend pour acquis que c'est une représentation de la superficie de la banquise, ce qui est représenté, c'est la banquise au cours d'un réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on vit un autre réchauffement climatique. Oui. Donc, finalement, c'est un terrible voyage à travers cette carte-là. Tout à fait. Oui. Donc, c'est un terrible voyage dans le temps, dans l'espace, qu'on peut faire à travers cette carte-là et à travers ce livre-là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir fait tout ce travail de décodage, parce que nous, on ne serait pas capable de décoder cette carte-là tout seul. Donc, d'avoir fait tout ce travail de décrypter cette carte et d'être venu nous en parler à CKRL. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, nous étions en compagnie de Joël Bouchard et Stefano Biondo, qui sont avec Louis-Edmond Hamelin, les lauréats du prix Hubert Reeves, catégorie adulte, pour leur livre « L'apparition du Nord » selon Gérard Mercator, publié aux éditions Septentrion. On va faire maintenant une pause publicitaire sur CKRL 89.1, et ensuite, ce sera au tour de Yannick Bergeron, pour son lui aussi lauréat, mais catégorie jeunesse.